femme, à part juste de somme. Y'a plus rien qui m'étonne, je veux juste atteindre le sommet. Je me fous de leurs commentaires, c'est vrai, ils font des trucs trop chelous. Ne m'en voulez pas, moi, copier je ne sais pas. Je suis trop à l'aise, dis-moi qui m'arrêtera. Bim bam boum, on sait rendre les coups. Eh, on vient prendre les sous. Viens, on s'emmène, on est toujours dans. Quand tu vis la belle vie, ça me dérange pas. Pour le business, on n'hésite pas. Parler de love, moi non plus j'ai pas envie. Parler de love et tu ne me verras jamais dire non. Non, non, non.